Les entités. Les entités sont considérées comme des êtres bienveillants qui peuvent aider les humains dans leur quête spirituelle. Les guides spirituels, par exemple, sont des entités qui sont censées aider les individus à trouver leur chemin dans la vie et à atteindre leur plein potentiel. Les anges sont également considérés comme des entités bienveillantes qui peuvent aider les humains dans leur vie quotidienne. Cependant, dans d'autres traditions spirituelles, les entités sont considérées comme des êtres malveillants qui cherchent à nuire aux humains. Les démons, par exemple, sont des entités qui sont censées chercher à corrompre les humains et à les éloigner de leur chemin spirituel. Les esprits de la nature peuvent également être considérés comme des entités malveillantes dans certaines traditions, s'ils sont offensés ou ignorés. Il existe une variété quasi infinie d'entités spirituelles, allant des divinités omnipotentes comme Dieu dans la théologie chrétienne, aux forces naturelles personnifiées dans les croyances animistes. Diverses traditions incluent des anges, des esprits, des fantômes, des démons, des fées, etc. Les entités spirituelles peuvent également être comprises comme des manifestations de la conscience cosmique, des fragments d'une énergie divine ou l'universel. Dans certaines philosophies orientales comme le bouddhisme et l'hindouisme, les divinités et les esprits sont parfois considérés comme des illusions ou des manifestations de l'ego qui doivent être transcendées sur le chemin de l'éveil spirituel. Il est important de noter que les croyances et les expériences liées aux entités varient considérablement d'une tradition spirituelle à l'autre. Certaines traditions spirituelles, telles que le chamanisme, ont des pratiques spécifiques pour entrer en contact avec des entités, tandis que d'autres traditions, telles que le christianisme, ont des rituels spécifiques pour invoquer des entités bienveillantes, telles que les anges. Les entités peuvent être rencontrées dans des contextes variés, tels que des séances de spiritisme, des pratiques de magie, des expériences de méditation ou des rencontres fortuites. Certaines personnes cherchent délibérément à entrer en contact avec des entités, tandis que d'autres les rencontrent de manière inattendue. Les entités peuvent se manifester de différentes manières, telles que des voix, des visions, des sensations physiques ou des changements dans l'environnement. Certaines personnes rapportent des expériences positives avec des entités, telles que des conseils, des guérisons ou des messages de soutien. D'autres rapportent des expériences négatives, telles que des attaques psychiques, des possessions ou des malédictions. Certaines personnes croient que les entités sont des esprits de personnes décédées, qui ont choisi de rester dans notre monde pour diverses raisons. D'autres croient que les entités sont des êtres interdimensionnels, qui existent dans des dimensions parallèles à la nôtre. D'autres encore croient que les entités sont des manifestations de l'énergie psychique ou de l'inconscient collectif. Il est également important de noter que l'entrée en contact avec des entités peut être dangereuse et doit être entreprise avec prudence et discernement. Certaines traditions spirituelles recommandent de travailler avec un praticien expérimenté pour entrer en contact avec des entités, tandis que d'autres recommandent d'éviter complètement les entités. Page 33, nous allons voir un exemple de méthode pour entrer en contact avec une entité, page 33.